Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on commence l'émission par un détour vers le sud, direction le Mexique. Alors en hiver, les forêts montagneuses du centre du Mexique devraient être couvertes d'ailes oranges et noires qui papillonnent. Mais pas cette année. Les impressionnantes colonies de monarques, ces papillons migrateurs, qui couvrent désormais moins d'un seul hectare de forêt. La plus petite bande de terre observée depuis la collecte des données qui a débuté en 1993. Alors, Christiane Dupont va nous expliquer les principales causes de ce déclin du monarque. Bonjour, Christiane. Bonjour, Valérie. Alors, on sait effectivement que le monarque, c'est une espèce de papillon migratrice qui est quand même assez originale parmi les insectes, mais c'est une migration particulière quand même. Oui, c'est vraiment une migration unique. On connaît, nous, les monarques ici l'été, hein, on en voit, c'est des beaux papillons orange, majestueux, ouais. Assez gros. Vraiment caractéristique. La plupart des gens ont une image de papillon, ils vont voir un monarque. Et les monarques sont des insectes qui migrent sur 4000 kilomètres. C'est assez rare pour des insectes d'avoir une migration si structurée, aussi à de grande envergure, ouais. Finalement. Et ils migrent entre l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Donc, chaque automne, les monarques volent. Ils vont quitter leur aire de reproduction, qui sont dans les États-Unis et le Canada, pour se diriger plus vers la chaleur pour l'hiver, finalement, où ils vont plus se nourrir. Donc, le Guatemala, dans le Michoacán et dans les États du Mexique, principalement. Il faut savoir aussi que les monarques font une migration sur plus d'une génération. Oui, c'est ça qui est particulier. C'est ça qui est vraiment fascinant, parce que ce n'est pas nécessairement le même individu qu'on croise au Québec qui va être au Mexique, parce que c'est peut-être, on peut comprendre, assez éprouvant aussi pour un insecte de cette taille-là. Donc, ils vont faire des arrêts, ils vont se reproduire, ils vont pondre des œufs, par exemple, au Texas ou ailleurs. Et puis là, l'individu qui va naître à ce moment-là va poursuivre, va savoir où s'en aller et où continuer le chemin vers le sud. Et puis voilà, donc c'est une migration sur plusieurs générations. C'est quand même intéressant c'est relativement, je crois, unique, je sais pas, mais parmi les corps rares qui existent sur Terre. Ça, je pense qu'on peut le dire avec certitude. Oui, c'est assez fascinant. Et mais là, donc... Comment on sait que les populations de monarques sont en diminution? Oui, on les a comptées? Oui, il y a des techniques pour évaluer avec la superficie qu'ils occupent, parce qu'ils sont en bande. Là, c'est vraiment des essaims là, très, très, très grands. Ouais, quand on voit les images, on voit les arbres, ils sont couverts. Oui, hein, c'est recouvert. Impressionnant, ça peut couper le soleil. Ça doit être très, très impressionnant à voir. Les scientifiques s'attendaient à ce que... Et ce qu'on retrouve cet hiver au sud était pas très bon, parce que le printemps dernier, il y avait moins de monarques qui avaient été comptés en Amérique du Nord. Donc, c'était quelque chose qu'on s'attendait, parce que déjà en Amérique du Nord, quand ils sont remontés, il y avait moins. Il y a des gens qui comptent autant au nord qu'au sud, hein, pour faire le suivi, évidemment. Donc, on s'attendait à quelque chose comme ça. Il y a aussi un printemps assez froid qui a retardé la migration des papillons du sud vers le nord. Donc, ils sont arrivés peut-être un peu plus tard, et ça peut désynchroniser un peu la reproduction. Ah oui, parce que bien souvent, il faut des sites particuliers pour se reproduire, pour que la chenille ait de quoi manger. Exactement. Ou des choses comme On va y venir. C'est vraiment, d'ailleurs, très particulier ce qu'ils ont besoin. Et puis, si le printemps est un peu tardif, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, l'année passée, dans le sud, il y avait 1,19 hectares de superficie de colonies de papillons. Et cette année, c'est 0,67. Donc, c'est une baisse de 44% de la superficie. C'est sûr qu'il y a des fluctuations, comme dans toute population, il peut y avoir des fluctuations, mais c'est quand même quelque chose d'assez marqué. Là, 44%, c'est quand même marqué, il ne faudrait pas que ça se reproduise tous les ans. Exactement, parce que 44% de 44, toutes les années, ça finit par être beaucoup. Là. Et qu'est-ce que les experts en pensent? Est-ce qu'ils ont des hypothèses pour expliquer cette diminution? Oui, il y en aurait plusieurs, mais celle qui attire le plus l'attention, ce serait l'asclépiade. L'asclépiade, c'est dur à décrire... la plupart des gens ont déjà vu cette plante-là. C'est une genre de grosse gousse verte. Et puis quand on ouvre, il y a un petit pépin avec une longue tige blanche. Ça peut être collant aussi, rendu à un certain stade. Donc, l'asclépiade, il y en a partout au Québec. Ça sent très fort aussi, hein, quand on passe à côté d'un champ puis qu'il y a des asclépiades. Oui, c'est vraiment... il y en a partout en Amérique, là, de l'asclépiade. Et c'est la nourriture de prédilection et l'endroit de ponte des monarques. Donc, c'est vraiment une plante très, très, très importante dans leur cycle. C'est ça, les adultes monarques vont pondre leurs œufs sur les asclépiades, les chenilles vont manger l'asclépiade avant de reformer un cocon et de devenir un papillon. Donc, c'est essentiel. Malheureusement, dans le Midwest américain, là où beaucoup de papillons vont partir de l'Amérique du Nord, faire une pause dans le Midwest, continuer dans le Sud, Il y a énormément de cultures de maïs et de soya. Alors, chaque année, il y a des habitats qui se perdent. Là. C'est très, très élevé au profit de la monoculture, des cultures intensives de maïs et de soya. Ça fait disparaître les asclépiades. Les asclépiades. Surtout, qui est une plante sauvage, mauvaise herbe, entre guillemets, pour les agriculteurs, mais surtout avec l'apparition de plantes résistantes aux insecticides. Mm-hmm. Donc, le maïs et le soya résistent aux insecticides. Ils peuvent étaler des insecticides plus forts qui vont complètement détruire l'asclépiade et toutes les autres mauvaises herbes, finalement. OK, d'accord. Donc, c'est une problématique encore plus marquée avec le temps parce qu'on utilise des variétés qui résistent aux antibiotiques. Aux herbicides. Pardon. Donc, l'asclépiade est beaucoup moins présente dans le sud-ouest. Donc, les papillons ne savent pas trop où se mettre, finalement. Donc, on estime que depuis l'an 2000, il y a 100 hectares d'habitat perdus en maïs et en soya. 100 millions d'hectares, pardon. Je crois que j'ai mal tapé. Je voulais dire, c'est beaucoup plus grand. 100 mm-hmm. millions d'hectares perdus en maïs et en soya. Donc, mm-hmm. ça, c'est vraiment un problème. Auparavant, on blâmait aussi le Mexique parce qu'il y avait beaucoup de foresterie illégale au Mexique. Ouais, ça a été un problème assez important. On disait, bon, ben là, ils partent de l'Amérique du Nord, ils arrivent au Mexique, pouf, là. Il n'y a plus d'arbres. Plus d'arbres, ça va pas bien. Eux, ils ont besoin d'arbres dans le sud pour se nourrir. Le gouvernement mexicain, à partir de 2007, sous la pression des groupes écologistes du Mexique et de l'Amérique du Nord, a vraiment intensifié ses efforts pour mettre en application plein de programmes, de trucs pour protéger l'habitat, des gens qui surveillaient pour pas que les forêts soient exploitées, donner des alternatives économiques aux communautés voisines. Donc, il y a le Mexique considère qu'il a fait beaucoup, mm-hmm. mais si en Amérique du Nord, l'équivalent qui n'est pas le même problème n'est pas fait, c'est pas de la foresterie illégale, mais ça reste une perte d'habitat quand même. Ouais. Donc, il faudrait que les États-Unis... Si sur le parcours des monarques, il n'y a pas les bonnes conditions... Exactement. C'est quelque chose qui... Bon, c'est sûr qu'il y a des efforts à faire de tout le monde. Le Mexique peut sûrement aussi continuer. Ouais. Mais voilà, il y aurait sûrement quelque chose à faire. Donc justement, est-ce que les Américains ont réagi? Est-ce qu'il y a eu des actions, par exemple, pour réimplanter de l'asclépiade? Bien, oui. Malheureusement, c'est plus ou moins... ça a été plus ou moins une réussite parce que des scientifiques américains ont encouragé les Texans, les gens du Midwest américain, à planter de l'asclépiade en disant, bon, on va en planter, les monarques vont pouvoir apprécier mm-hmm. cet habitat-là. Malheureusement, plusieurs gens ont planté la mauvaise variété d'asclépiade. Ouais. Curassavica, qui est une espèce plus tropicale. Alors, c'est pas celle qui pousse au Québec non plus. Malheureusement, l'asclépiade tropicale ne meurt pas à l'hiver. Et ça pourrait sembler... C'est surprenant, ça pourrait sembler, ouais, ça pourrait sembler... Elle a un cycle différent, finalement. Ouais. Pardon. Et puis, ça pourrait sembler être un avantage, ben finalement. Oui. Mais ça fait que ça offre une source aux monarques de nourriture à l'année. Donc, ça donne pas envie de migrer. Ils vont pas au sud, du coup. Ils vont pas au sud. Ils vont dire, ah, ben, il y a des asclépiades. On va rester ici, finalement. Mm-hmm. Sauf que... Puis ils sont pas bien, là? Malheureusement, une population de monarques, ça les aide de se déplacer parce que ça élimine les maladies et les parasites parce qu'ils s'implantent pas à un endroit en permanence. Mm-hmm. Donc, si une colonie décide de rester à la même place à long terme, plus quelques semaines ou mois, ils ont une sensibilité accrue à un parasite mortel qui est reconnu chez les monarques. Ah, oui? Quand il y a une grande concentration pendant longtemps, ben, le parasite a vraiment le temps de s'étaler. Donc, s'il y a moins de migration, il y aura plus de papillons qui vont être infectés. À plus long terme, ça a le temps d'infecter les chenilles. Et puis là, les prochains individus vont déjà être parasités. Donc, il y a vraiment... Ça a été un mauvais moyen. Ouais. C'est vraiment une problématique complexe. Et puis, planter la mauvaise asclépiade ne réglera pas le problème. Surtout, des fois, on sait que c'est assez spécifique. Hein, des fois, le goût des insectes pour les plantes, des fois, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Donc, ça, c'est aussi une autre problématique. Puis, c'est sûr que jamais les États-Unis vont décider d'arrêter du jour au lendemain de faire leur culture de maïs. Ouais. Alors, il y a comme une problématique à ce niveau-là. Et aussi... pour les pays du Sud, il y a tout un tourisme aussi lié à l'observation des colonies de monarques. Mm-hmm. Dans le Sud, au Mexique, il y a des endroits très réputés. Les gens paient pour venir voir ça. Donc, s'il y a moins de migration moins impressionnante, donc il y a des pertes financières au niveau touristique. Et un autre problème, c'est que si, par exemple, des forêts ne deviennent plus la terre d'accueil aussi impressionnante de ces monarques-là, ils ont moins tendance à être protégés. Le gouvernement va dire, bon, ben, finalement, pourquoi on garde ça. Là, ils sont protégés parce qu'il y a un attrait particulier. Ouais. Mais si on perd cet attrait-là... La reforestation, la déforestation va revenir. Probablement. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui fait protéger le milieu aussi de par l'impressionnante migration. Ouais. Mais si c'est quelque chose qui diminue, bien, dans le sud du Mexique, Guatemala, tout ça, ça risque d'être des milieux qui vont être encore moins protégés. Donc, malheureusement, là, c'est un peu déprimant, je dirais, comme chronique. On espère qu'il va y avoir des Mais ça des montre aussi que c'est complexe, hein, oui. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il faut l'asclépiade, faut la bonne asclépiade. Oui, après, ça. Si les populations sont trop concentrées, il y a un parasite qui se met dedans. C'est jamais simple. C'est jamais une petite solution facile pour une problématique aussi complexe. Bien, c'est vrai, c'est un triste portrait de la situation, mais on espère que des actions soient prises quand même pour permettre aux monarques de nous émerveiller par ces ailes virevoltantes. Oui, merci, encore pour longtemps. Ouais, merci Christiane. Merci. On fait une petite pause musicale sur CKRL. On vous revient dans quelques minutes avec un mélange entre la biologie et la physique.